En Corée, les travaux de construction du polder de Hongdo de deuxième étape se déroulent avec succès. Le complexe de construction de polder de la province du Pyongan du Nord a élevé en un peu plus de 6 mois le premier barrage de retenue long de plus de 5 200 mètres de la troisième zone et continue les travaux pour de bon.